L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astrophysiciens du programme DES, Dark Energy Survey, viennent de rendre publique la première carte détaillée de la répartition de matière noire, ou carte des distorsions d'espace-temps produisant des effets de micro-lentilles gravitationnelles, si l'on préfère. Cette carte a été produite grâce à l'imageur le plus puissant existant actuellement, avec ses 570 mégapixels. Cette nouvelle carte est la carte la plus étendue à ce jour avec autant de détails, et elle devrait permettre de mieux comprendre les liens existants entre la matière noire et la matière ordinaire. Le but ultime du programme DES n'est pas d'étudier la matière noire, mais de percer les secrets de l'énergie noire. Cette encore mystérieuse énergie qui produit une accélération de l'expansion de l'univers. Et pour étudier sereinement l'énergie noire, nous avons besoin de cartographier le plus précisément possible comment se répartit la matière, toute la matière, c'est-à-dire tout ce qui est suffisamment massif pour déformer l'espace-temps. Et ce sont ces petites déformations de l'espace-temps qu'est capable de voir le télescope de DES avec son imageur hors du commun. L'équipe internationale menée par Vinu Vikram de Argonne National Laboratory, qui publie cette étude dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a mesuré les distorsions à peine perceptibles des images de plus de 2 millions de galaxies durant plus d'un an pour construire cette nouvelle carte. L'imageur de DES est monté sur un télescope relativement modeste de 4 mètres de diamètre, le télescope Victor Bronco situé à l'Observatoire interaméricain du Cerro Tololo au Chili. Cette carte de la matière noire via le micro-lensing exploite environ seulement 3% de la zone du ciel que DES couvrira durant sa mission de 5 ans. Grâce aux futures données de DES du même type, les scientifiques pourront mieux tester les théories cosmologiques actuelles en évaluant les quantités respectives de matière visible et invisible. Pour l'instant, DES semble valider le concept actuel selon lequel les galaxies se forment là où il y a de fortes concentrations de masse invisible, produisant des champs gravitationnels importants. Les cartes montrent de vastes zones en forme de filaments de matière, le long desquels des galaxies et des amas de galaxies se trouvent, puis de vastes régions quasi vides. Des études complémentaires sur ces filaments et ces vides permettront de comprendre un peu mieux leur origine et surtout de mieux tester les différents modèles théoriques associés. L'article est paru, va apparaître bientôt dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et s'intitule Wide Field Lensing Mass Maps from DES Science Verification Data par Vinu Vikram et ses collègues. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien alerte, à l'écoute et sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr sur lequel vous pouvez toutes les semaines retrouver un quiz spécial astrophysique pour apprendre plein de choses tout en s'amusant, 10 questions par semaine et auxquelles vous aurez les réponses juste après avoir répondu, bien sûr. Et si vous êtes très très fort, vous aurez l'occasion d'être cité la semaine suivante. Bah oui, c'est comme ça. Allez, à très bientôt, salut à tous et à toutes.